Vous écoutez? La croche-oreille. Alors, salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL de 89.1 sur le poste. Une aventure qu'on écoute en direct à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin au microphone, heureux de vous retrouver autour de nouveautés sonores. Je retiens pour mot-clé ce soir le mot voyage, cette action de transiter d'un point à un autre qui semble relier mes invités dont les noms se déclinent comme suit la Norvégienne Natasha Barrett qui nous offre un voyage à travers ses installations sonores. Eventless Plot, un groupe d'artistes d'origine grecque qui opte pour le voyage intérieur. Le Néerlandais Martin Pieck qui nous plonge, lui, dans un projet de voyage cinématographique. Ça s'intitule « Cinéma perdu ». Et les Italiens Francesco Fonassi et Marta Saloni qui nous proposent un voyage sous les mers. Et c'est avec ce projet de voyage abyssal qu'on débute la soirée. Un magnifique album intitulé « Le frisson des grandes profondeurs », première collaboration de l'artiste sonore Francesco Fonassi et de la productrice Marta Saloni. Enregistré en direct à Spectro Brescia en Italie en 2021, il s'agit d'une performance en direct qui nous remémore en quelque sorte un voyage sonore vers les forêts océaniques telles qu'explorées et décrite par le navigateur, cinéaste et écologiste Jacques-Yves Cousteau. Ça vous rappellera quelque chose. L'exaltation d'être sous l'eau, nous racontent les artistes, est au centre de ce récit sonore. La palette des sons reflète à la fois les paysages marins et l'état d'esprit, surtout, état d'esprit altéré que la plongée profonde induit, dit-on. Une exploration et un hommage à un monde où le silence et l'errance règnent. Alors, on écoute ça. Thank you. On vient d'entendre les deux premiers titres de cet album intitulé « Le frisson des grandes profondeurs » des artistes Francesco Fonassi et Marta Saloni. Fonassi est un artiste sonore italien, un chercheur indépendant, musicien, concepteur de son et producteur qui s'est fait connaître pour ses performances sonores et ses musiques expérimentales. On dit que sa démarche artistique est caractérisée par l'art action, des environnements et sculptures sonores, des transmissions radio, des séances d'écoute et la création d'espaces audiovisuels sensoriels. Ses créations étaient présentées dans des institutions, des musées, des festivals et des espaces de diffusion indépendants en Europe, en Asie et aux États-Unis. Marta Saloni est une productrice de disques, ingénieure du son et DJ d'origine italienne, travaillant dans son propre studio situé à Londres. Elle a travaillé avec des artistes réputés, comme Björk par exemple, et en plus de son travail d'arrangeur, elle crée et interprète des œuvres improvisées à partir de boucles qu'elle combine à des commentaires et des sons live. Lors de la collaboration avec d'autres artistes, elle traite leur son en direct à travers des assemblages de bandes magnétiques, tissant, dit-on, une trame sonore complexe, suggérant une réflexion sur le temps et la mémoire. Ben voilà pour ce qui est des artistes. On poursuit l'écoute de ce très beau projet intitulé « Le frisson des grandes profondeurs », un voyage sonore sous les mers qui évoque l'état d'exaltation, voire d'ébriété, que provoque le temps passé sous l'eau à de grandes profondeurs. Anni addietro, durante la costruzione di una galleria sotto la cimenta, un gruppo di uomini politici scese nel tunnel per festeggiare l'incontro del mondo. Andarono con le sfumate per vedere le mattine contrariamente a conquistare il mondo. Si trovavano ad una pressione esplosiva con la sua stella, per un mondo di anidride carbonica, ma nel trasmesso di uomini politici. Quando però le personalità ritornarono alla superficie, lo spumante cominciò a fermentare nel loro stomaco, gonfiando i panciotti e gorgogliando loro fuori dalle orecchie. Uno si dovette riportare sottoterra per favorire la ricompressione dello spumante. Oggi, 10 anni dopo la nostra prima timida inversione oltre la zona di 40 metri, donne vecchie raggiungono questa volta la terza o la quarta inversione. Sulla costa azzurra si assiste nello spettacolo ormai entrato nell'abitudine di tutti i giorni. Un autocarro guidato dal signor Du Bois va in giro noleggiando su respiratori e dà l'istruzione a chiunque voglia fare per autorizzare i 40 metri. Centinaia di persone indossano gli autorespiratori e si immergono sempre per una domanda assiste allo spettacolo, ricordando la terribile lotta affrontata da un intero carro, l'orgoglio per lo dire la morte del signor Du Bois, ma giù assaggiando da un certo resto di vita che costruzione di un C'était donc Francesco Fonassi et Marta Saloni, deux titres tirés du projet intitulé « Le frisson des grandes profondeurs ». Je vous amène cette fois du côté voyage intérieur avec le collectif d'origine grecque Eventless Plot, un collectif de musiciens d'artistes sonores formé à Thessalonique en 2002 par Vasili Liolios, Haris Giatas et Yanis Tsirikoglou, un trio qui se dit fasciné par les détails du monde sonore que suggère l'expérimentation. Ils utilisent une variété d'instruments, de sources numériques, analogiques, des instruments sur le terrain et des rustines de type Max MSP pour ceux qui s'y connaissent. Le groupe est actif depuis une vingtaine d'années. D'abord unis sur le plan musical, ils vont développer un processus de travail ayant pour but d'intégrer leurs expériences perso, leurs rêves, leurs peurs. On va écouter ce soir une création tirée d'un album très percussif intitulé « Schemata ». C'est un album réalisé avec des percussions, vous vous en doutez, des objets de toute nature, un synthé modulaire, du ruban magnétique, des micros et des extraits de phonographie. Les gars racontent, dans une interview, utiliser des instruments acoustiques en combinaison avec l'électronique. Nous aimons traiter le son afin d'en découvrir les complexités acoustiques et électroniques en utilisant les qualités de l'un et de l'autre. Je referme les guillemets, le projet Schemata est exemplaire à cet égard, notamment, je le souligne, par l'utilisation de rythmes percussifs. Alors voilà, on écoute ça. Eh bien, voilà ce qui complète la première demi en compagnie du collectif d'origine grecque Eventless Plot qu'on retrouve sur le beau label TSSS Tape, un label qui se consacre aux travaux diffusés sur cassette, très beau label qu'on retrouve sur la plateforme Bandcamp notamment. Alors, restez des nôtres, je vous reviens après la pause avec les travaux de Natasha Barrett et de Martin Pieck. À tout de suite. Vous écoutez CKRL. Radio. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, vous écoutez La Croche-Oreille depuis les studios de CKRL sur le poste au 89.1 et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin, microphone, on se retrouve ce soir autour de créations sonores qui entendent nous mener en voyage sous les mers ou plus subtilement à l'intérieur de soi, comme on l'a entendu en première demi. Bon, le voyage que nous propose maintenant l'artiste sonore Natasha Barrett est un voyage au cœur du sonore quand il est implanté, inscrit, intégré à la trame urbaine par le biais d'installations ou encore de dispositifs suscitant l'écoute. Le projet de Natasha Barrett s'intitule « Reconfigurer le paysage ». Bon, je traduis là le titre. Il avait pour but, ce projet, de provoquer au départ de nouvelles prises de conscience, dit Barrett, de notre environnement sonore extérieur. Elle a donc testé, expérimenté sur une période de 3 ans les impacts du son dans l'univers urbain à partir d'une série d'installations sonores extérieures installées dans des espaces publics. Tout ça pour des durées allant de quelques jours à quelques mois. Bon, les créations qu'elle nous propose dans cet album intitulé « Reconfiguring the Landscape » sont des remixes de 3 installations et d'une œuvre inspirée d'un concert. Ils ont été composés à partir des matériaux d'installation et des enregistrements non modifiés, tirés des installations in situ, tout ça dans le but de capturer l'expérience d'écoute personnelle immersive, de mesurer, dit-elle, l'effet d'être là. Alors, on écoute un premier extrait. Thank you. quelques mots cette fois sur Natasha Barrett, compositrice de musique acousmatique et artiste multidisciplinaire qui vit et travaille en Norvège. Elle est largement reconnue pour son exploration artistique des sonorités en trois dimensions. Son travail est joué dans le monde entier. Elle a reçu des prix dans plus de 30 compétitions internationales, y compris le plus prestigieux disponible pour les compositeurs nordiques, le prix de la musique du Conseil nordique. Alors, on poursuit l'écoute de son projet intitulé « Reconfigurer le paysage », un tiré à part sonore de trois installations publiques. On écoute ça. C'était Natasha Barrett, des extraits d'un album intitulé « Reconfigurer le paysage », un condensé sonore d'installations présentées dans des lieux publics. Et pour compléter la soirée dans un esprit encore du voyage totalement différent cette fois, je vous propose quelques créations du créateur sonore et musicien néerlandais Martin Piek, et qui mène depuis plusieurs années maintenant un projet personnel sous l'intitulé « Cinéma perdu », une forme de création musicale et sonore ayant pour finalité, dit-il, d'évoquer le film qu'on ne verra pas. C'est l'idée d'une musique et de sonorité pour film à venir, pour film potentiel. La démarche et le processus de création de Martin Piek est plutôt aléatoire, peuplé d'affects et d'impressions. Je veux recréer musicalement le sentiment d'un endroit à un certain moment, dit-il. Parfois, c'est très factuel et d'autres fois, c'est plus narratif. Je referme les guillemets. On va écouter des extraits de trois albums qui donnent le ton, qui illustrent la palette sonore de Martin Piek. Et on débute ça avec son poème mélancolique, une trame sonore qui est très filmique. Vous allez voir, on écoute ça. Thank you. C'était Martin Pieck, une création intitulée « Poème mélancolique », une belle illustration de son projet « Cinéma perdu ». Pieck raconte que ses performances en direct sont pour la plupart des improvisations dans lesquelles il utilise des sons de toute provenance qui sont manipulés, parfois des sons enregistrés avec un micro-contact ou encore avec en compagnie de synthé. Martin Pieck fait de la musique pour le cinéma, le théâtre et il travaille depuis quelques années sur une machine musicale interactive. Il créa en 2021 un journal sonore intitulé Not a Concept, un travail de captation et d'interprétation sonore qu'il a fait au cours d'une période de 3 mois. Chaque semaine, dit-il, pendant un après-midi, je réalisais une trame et voici le résultat. Alors, on écoute quelques extraits de ce projet intitulé Not a Concept. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes italiens Francesco Fonassi et Marta Saloni du groupe d'origine grecque Eventless Plot, de la britanno-norvégienne Natasha Barrett et du néerlandais Martin Pieck. Grand merci aux artistes, musiciens, musiciennes, collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres que l'on retrouve sur la plupart des plateformes numériques. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée sur des sonorités du projet Cinéma perdu de Martin Pieck. Voilà, depuis les studios de CKRL dans le quartier Limoilou à Québec. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.